Des anges avec des Air Max. Des anges avec des Air Max. Anges, frérot. Ok, y'a ceux qui visent et les targets. Je suis sûr qu'ils vivent car l'état me guette. Mais je vis que pour être la star du All-Star Game. Le temps que t'analyses mes urines, je serai loin, loin. Les semer, c'est facile comme taper un ouage ou un douin. Je pourrais crier au secours, mais ça me ferait chier. Quand t'es dans la merde jusqu'au cou, je suis en train de sécher. Hein, t'étais où quand je pétais les plombs? Quand j'étais à deux doigts du téléponge, t'étais où, monsieur Téléthon? Nous, on vit salement, on passe du vice à l'amour. C'est alarmant, madame, venez chercher votre fils à la morgue. Je compte croquer, me tenir au courant sans prendre de coup du fisc, compte bloquer, encore un coup du fisc. J'en ai pas rien à foutre de becter, j'enferme le diable dans la soute, mais il a le double de mes clés. Invincible, je suis un missile, moi, je m'envole, mais je vole pas. Imbécile, pourquoi tu mets un vigile noir? Des anges avec des Air Max, je te jure, j'ai vu. Des anges avec des Air Max, un putain de miracle. Des anges avec des Air Max, ils m'ont dit, t'inquiète, mec, on t'entend quand tu gueules dans le désert, moi. Des anges avec des Air Max, je te jure, j'ai vu. Des anges avec des Air Max, t'es pas un mirage. Des anges avec des Air Max, ils m'ont dit, t'inquiète, mec, on t'entend quand tu gueules. Quand je te vois, je me vois à terre, je suis abasourdi, pense à ta matière. Moi, je te l'ai dit, ma meilleure amie s'appelle survie. La grêle ne s'arrête plus, c'est les mêmes qui graillent, c'est les mêmes qui daillent, c'est les mêmes qui caillent dans les arrêts de bus. Sur ma pierre, ton pâle, écris bien qu'ici bas, rester en vie, fut mon pire combat. Le genre d'homme au cœur tendre, l'amitié, je leur donne. T'es partant, moi j'ai confiance qu'en Jordan, au dernier quart temps. Je suis bon qu'à faire du chant, et dans mon dialecte, sache que c'est pas parce que je perds du sang que je crie à l'aide. Putain, ils caillent dans leur putain de quart de Kefman, on veut la gloire et l'avoir plus d'un quart d'heure. J'ai failli me cracher comme Kanye West, à cause des pédophiles, j'ai peur de laisser mon fils avec le Père Noël. Ouais, j'ai regardé le ciel. Et j'ai vu des anges avec des Air Max, je te jure j'ai vu. Des anges avec des Air Max, un putain de miracle. Des anges avec des Air Max, ils m'ont dit, t'inquiète mec, on t'entend quand tu gueules dans le désert, moi. Des anges avec des Air Max, je te jure j'ai vu. Des anges avec des Air Max, t'es pas un mirage. Des anges avec des Air Max, ils m'ont dit, t'inquiète mec, on t'entend quand tu gueules dans le désert. J'ai l'air d'être emballé, moi mec, je suis toujours en retard par peur d'être à l'heure pour mes 30 balais. De quoi je suis en train de parler? De rien, de ma vie, de ta vie. Qui est en stand-by, de toi qui est en train de bailler. Nous, l'air marque, rien à foutre, des banu-pieds en Air Max. On fait notre route sans airbag, sans nous tuer. D'ailleurs, man, dis-leur que je fais rien de mal, à part que je crée leur feu et je vends l'évasion comme un dealer peu. Des coups de crasse, c'est ça les anges. Je pratique le vice en club, tandis que t'attends toujours ta licence. Je parle peu, peut-être parce que dès que j'ai bérasse que je vis, mec, y'a quoi à dire, t'as le queue. Merde, tout est théâtral. Le pire, c'est que les petits se mélangent. T'es pas à Disneyland, t'es à Prague. J'étais en chien, putain. Sur le déclin comme le Wu-Tang Clan, man. Quand soudain j'ai vu des putains d'anges, putains d'anges, putains d'anges, putains d'anges, putain d'anges. Des anges avec des Air Max, je te jure j'ai vu. Des anges avec des Air Max, un putain de miracle. Des anges avec des Air Max, ils m'ont dit, t'inquiète mec, on t'entend quand tu gueules dans le désert, moi. Des anges avec des Air Max, je te jure j'ai vu. Des anges avec des Air Max, t'es pas un mirage. Des anges avec des Air Max, ils m'ont dit, t'inquiète mec, on t'entend quand tu gueules dans le désert, man.